Je traite de la même façon tous mes étudiants, quelle que soit leur couleur. Je continuerai à sanctionner toute déficience de votre part jusqu'à ce que votre mérite, et lui seul, m'en dissuade. Ce sont les règles du jeu. Débarrassez-vous de cette conviction selon laquelle le monde vous doit une fleur. Il faut extirper cette mentalité par la racine. Elle rend paresseux. C'est la paresse du peuple noir qui maintient le blanc au pouvoir depuis des siècles. Si quelqu'un de mon peuple me traite comme si c'était moi l'ennemi, ça me tue. L'ennemi. Qui est l'ennemi, monsieur Williams? Un homme blanc à la barbe blanche? Derrière un bureau en acajou qui presse des boutons qui réglementent le destin du monde? Non, la réalité n'est pas là. Vous nagez dans la science-fiction. Non. L'ennemi, c'est n'importe qui. Noir, blanc, n'importe quel type qui me barre la route.